y avait ceux qui avaient des situations familiales particulières qui pouvaient faire avoir des droits à dérogation. C'était pas mon cas, bien que marié. J'étais quand même marié déjà à cette époque-là depuis quelques mois. Et je savais que malgré mon mariage, je pouvais obtenir un